à cause de nous la capitale et ses bodyguards ont besoin de bodyguards. On n'est pas fous les gars, c'est qu'on chante dans les caves, c'est qu'on peint sous les gares. On est élevé au vandal comme des hooligans. À cause de nous la capitale et ses bodyguards ont besoin de bodyguards. On n'est pas fous les gars, c'est qu'on chante dans les caves, c'est qu'on peint sous les gares. On est élevé au vandal comme des hooligans. J'ai les yoku la dalle, élevé au vandal, classique je rapplique avec la skunk et le sky. Horizon red, dead comme la trône d'un crackhead. Des cratères dans les veines, habitué à voir le sale travail. Des travelots dans les vannes, sur le boulevard extérieur. Triste extasie, des teurs inspect nazi. Des ex-dollars en rut, à la quête d'une pute. Tout ça scellé, on en rigole entre potes. Comme du salaire de l'autre pute qui se prend en civil parce qu'il a mis un autre fut. Moi j'ai pas d'autre but que de chaque jour marteler un autre beat. Insulter un autre flic, coller un autre fric, cracher dans ses frites. Ça peut coûter cher, pas de violence gratuite. Vandal spirit, esprit vandal. Souvent du rap qui se vend mal. Ma culture, je la vends pas, traîne balle. Ça me reprend, ça recommence. Envie d'insulter la Sarco France. Maintenant on peut se faire coffrer dès qu'on ouvre sa gueule ailleurs qu'au confin d'un coffee. Tu te feras vider le coffio. Si t'as du coffre, on m'enlèvera pas du crâne. Que je suis venu guetter le décor. Élevé au vandal comme un hooligan. Jamais changé de bord. Paris, Beat Street, 75, 018, 18, 18. À cause de nous la capitale et ses bodyguards ont besoin de bodyguards. On n'est pas fous les gars, c'est qu'on chante dans les caves, c'est qu'on peint sous les gares. On est élevé au vandal comme des hooligans. À cause de nous la capitale et ses bodyguards ont besoin de bodyguards. On n'est pas fous les gars, c'est qu'on chante dans les caves, c'est qu'on peint sous les gares. On est élevé au vandal comme des hooligans. Vas-y vite à Henken, moi j'ai toujours le pollen. J'tag le caisse, prix vandal, voilà le thème. 75-018 Beat Street. Voilà la team, vandal comme un vol à la tire. Voué à la pire, des soirées dans Paris. Et pareil que le meilleur reste à venir. Alors je continue à tenir le coup, les murs et un marqueur dans la main. Me demande pas de sourire dans la merde. J'baisse la capuche, trace ma route loin de la mer. Ici on passe son temps à tutoyer la mort. Qu'est-ce que tu croyais l'ami hein, qui avait de l'amour au bout de la mine. Ici c'est vandal tout au fond de l'abîme. Y'a souvent de la haine au bout de la rime. Au bout de la rue, y'a toujours du bitume au bout de la vue. Des grecs du goudron, c'est ça le goût de l'avenue. La saveur du boulevard, on veut tous le voir, le bout du tunnel. Pour l'instant je chante l'odeur du seum et du miel. Rien ne tombe du ciel, je vandalise les sous-sols. En équipe ou tout seul, herbe grasse, tout sèche, tout saigne. Le 1 suivi du 8 est dans la place comme à l'ancienne. Le blast du crew colle à l'enseigne. Que tous les majeurs se lèvent face à l'insigne. Ouais c'est vandal ici, comme un pavé dans une vitrine. Un casse-bélier, une banquette chlassée. A brûlé un classe A, esprit vandal. Encore un classique, quartier rouge. 75-018 Beat Street. À cause de nous la capitale et ses bodyguards ont besoin de bodyguards. On n'est pas fous les gars, c'est qu'on chante dans les caves, c'est qu'on peint sous les gares. On est élevé au vandal comme des hooligans. À cause de nous la capitale et ses bodyguards ont besoin de bodyguards. On n'est pas fous les gars, c'est qu'on chante dans les caves, c'est qu'on peint sous les gares. On est élevé au vandal comme des hooligans. Esprit vandal, Paris ma ville natale. Des trous dans les poches du futal, je laisse une empreinte vocale pour le vivier local. Comme à l'époque ça arrive brutal, c'est machinal, mécanique, vital. On fait sauter les putains de l'état au butin. 18ème, Paris Beat Street, c'est ça l'esprit, un peu tendu de spi. Vorace pour un bout de seum, c'est chaud la race. T'en pas le bras, on te l'arrache. Déa quand je suis au microphone, tu ferais bien de tendre l'oreille. Tu ferais bien de rendre l'oseille, le rap français nous doit plein de thunes. Esprit bitume, j'écris sur le tas, c'est fait exprès. C'est fait de stress, de colère dans mon district. On me dit des stress, des colères. Dans ton collage, mets de la BR. Cousin, toujours coriace dans l'air du temps. Je vis de la corio de mon baran, dédicace Coltrane. Et tous mes renégats, élevés au vandal comme des hooligans. Je vais mettre le feu à la baraque, esprit vandal sur la FM. Appelle-moi, zéro baraka, c'est nada pour nada. Parisien banlieusard, on n'est pas là par hasard. À cause de nous la capitale. À cause de nous la capitale et ses bodyguards ont besoin de bodyguards. On n'est pas fous les gars, c'est qu'on chante dans les caves, c'est qu'on peint sous les gares. On est élevé au vandal comme des hooligans. À cause de nous la capitale et ses bodyguards ont besoin de bodyguards. On n'est pas fous les gars, c'est qu'on chante dans les caves, c'est qu'on peint sous les gares. On est élevé au vandal comme des hooligans. C'est pour mes polygames foéman. Downtown, tiens-moi de tendine. Pour faire de l'audi bas, ça combine. J'ai l'esprit morbide, j'ai juste du xylophone. Fais un os de xénophobe. Flarfin, la phobie de Marianne. Parler aux comiques, 1 et 2. La famille est la fraîche, garde les euros pour oublier les qu'il a déche. La famille est ma noire, des séchés vont charbon. Daron de spi, à travers une ceinture la colère s'exprime, ouais. Africain de mes fidèles aux traditions, rempli des conteneurs. Moi d'être con par mal français, mais compte autre chose que le CFA. Rouge, jaune, vert, vert, jaune, rouge, vert ou jaune. Les mêmes couleurs, les mêmes douleurs imprimées dans nos cœurs. On allume moi, les jeux de jambes, de Baxon. Fin du neuf, taux de rock, païtien, c'est saignant. Des guignols d'Abidjan, ou Thomas M. Guijol. Rien que ça rigole, amateur d'Achekaya. Ça m'a fait dire, mauvais bâtier, propre d'orgueil. On va gifler, on va jiper. Communautaire sans être raciste représente fièrement ma race et logique. La terre brûlée, je pratique. Si l'Allemagne mis sa mourir, touré. Alias le sabre et le fusil, ne confond pas. Je suis loin de Kémy, c'est bas. Et du mythe Kémy, c'est pas ma cam. Je descends de l'empire du Mali. C'est pour mes malins, j'ai pas ma rappelle. Djoula souligne qui est guerrier mandingue. Nos darons sont pas mendiants ni enchaînés. Les petits morts rêvent du ballon d'or comme bandiant. Passement de jambes, flip flap, virgule, petit point. Une putain de mise à l'amende. Faut la fin, je dis pas ça pour le style, c'est un bon de ma langue. Tout simplement, comprendront ceux qui doivent comprendre. Tout simplement. C'est des Aou, Guinée, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Sierra Leone, Bénin, Togo, Ghana, Libéria, Niger, Nigeria, Guinée-Bissau, Gambie, Burkina Faso, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique australe, Afrique du Nord, Afrique Wano, 99-224, comme d'hab, la qualité de la pure à 100%, comme du beurre de karité. Farafine, on n'apprend pas ce mot dans vos livres. Mais non. Console-toi, voilà ce qu'on va faire. La semaine prochaine, tu viens me voir. Je t'invite à bouffer avec moi. Assiette de linguine à la Louisiane. Avec des raviolis créoles. Des carbonara bambula. Je te passerai un autre costard. Va te faire, maître.